On va parler de baseball avec notre ami Jacques Doucet. Ça bouge pas mal chez les Blue Jays de Toronto. Salut Jacques. Salut. Jacques, tu dois avoir hâte de commencer à décrire des matchs des Blue Jays. C'est pas mal le fun, m'a dit une affaire à les suivre actuellement. Ben, disons que ils ont été lents à démarrer, mais là, ça commence à se bousculer avec acquisition Springer, des releveurs, un partant, un joueur d'avant-champ. Puis apparemment, c'est pas terminé. Oui, effectivement. Probablement qu'on va aller chercher. Ben, c'est parce que ce qui va arriver, d'après moi, c'est qu'il y a un voltigeur de trop actuellement. Soit Gourriel ou Krejcik va quitter Toronto, là, parce qu'il y a trop de voltigeurs actuellement. Mais Gourriel va rester là, d'après moi. Ah, j'espère, parce que c'est un des bons frappeurs. Pas juste ça non plus, c'est aussi un défensivement, s'est amélioré énormément, là. Ben oui, mais c'était pas un joueur de deuxième but, c'était un voltigeur. Ouais. Mais Semyon, ça t'a-tu surpris? Beaucoup. Ouais, Je ne hein? m'attendais pas à ce que les A's le laissent partir. Et c'est un bonhomme. Écoute, oui, il a peut-être connu une baisse de régime l'année passée, mais c'est un bonhomme qui a énormément d'expérience et un peu comme Springer, va avoir un rôle un peu de leader au sein de cette formation qui est très jeune. Ouais. Alors, est-ce qu'on va l'insérer au troisième but? Est-ce qu'on va le mettre au deuxième et transférer Biggio au troisième? Reste à voir. Mais chose certaine, disons que ceux qui espéraient voir Vladimir Junior au troisième coussin pendant une bonne partie de la saison 2021, je pense qu'ils vont être déçus. Es-tu d'accord avec moi, Jacques, que c'est une année de vérité dans son cas, avec l'organisation des Blue Jays? Bien évidemment, d'ailleurs, il s'est pris en main au cours de l'hiver, il a perdu Ouais. apparemment une quarantaine de livres. Et ça, ben moi, je le détestais pas au premier but l'année passée. Écoute, il faisait des fautes, là, son jeu de pied faisait défaut des fois. Mais en fin de saison, là, vous allez me dire que c'était juste une saison de 60 matchs. Mais moi, je trouvais que c'était bien amélioré, il se déplaçait bien. Mais au troisième but, je sais pas si on en a déjà parlé, Danny, mais je sais qu'il a commis plusieurs erreurs au troisième coussin dans la Ligue d'hiver en République dominicaine, mais sans jeter le blâme sur la qualité des terrains. En Ouais. République dominicaine, les terrains, c'est pas les terrains du baseball majeur, là. Ouais. Alors, moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour lui, pour son bras, son coup de bâton, mais il était rendu un petit peu là, dans le fond du baril, là, il se cherchait. Alors, s'il se reprend en main, je ne serais pas surpris à cause des efforts qu'il a fait pendant l'hiver en République dominicaine Ben, il a perdu plusieurs livres, hein. qu'on lui fasse commencer quelques matchs au troisième but pour surtout au camp d'entraînement. C'est pour lui dire, écoute, on apprécie la détermination avec laquelle tu as voulu reprendre ta forme physique et puis on sait que tu aimes ça jouer au troisième but, alors vas-y pendant quelques matchs, mais j'ai l'impression que son poste va être surtout au premier coussin. Ah, effectivement. Moi, et Thélèse également. Roddy Thélèse avec il y a beaucoup de frappeurs droitiers dans l'alignement actuellement, là. Es-tu d'accord avec moi, Benoît, pas Benoît, mais Jean, que ça commence à prendre vraiment Thélèse son Ah oui, poste d'or mais parce que c'est un frappeur gaucher là, pour balancer un peu l'alignement. le gros problème de Télès, c'est que il semble manquer de confiance. Et lorsqu'il est dans cette phase-là, ben il s'élance sur à peu près tout ce qui bouge autour du marbre, puis c'est pas lui, ça. Lorsqu'il a commencé ses premiers matchs avec les Blue Jays, c'est un bonhomme qui frappait énormément la balle dans les allées. Ouais. Et maintenant, il cherche plutôt à tirer la balle. Transaction majeure hier chez. Ben, c'était dans l'air, les Rockies du Colorado qui ont échangé leur joueur de troisième but au Cardinals de Saint-Louis, un des bons joueurs de troisième but du baseball actuellement. Ah oui, écoute, Arenado Arenado, oui. L'autre. est un des meilleurs à ce poste-là. Ça aurait été une acquisition incroyable si les Blue Jays avaient mis la main dessus, mais je pense qu'ils n'avaient pas les ressources pour aller le chercher. Ce sont les Cards de Saint-Louis qui, finalement, c'était dans l'air depuis un bon bout de temps et ça s'est finalement concrétisé. Plusieurs gants dorés, plusieurs. C'est un excellent joueur là, pour les Cards de Ah Saint-Louis. oui, mais c'est un frappeur, c'est un leader. Il va vraiment cimenter l'avant-champ des cards. Jacques, en terminant, les agents libres, pas les agents libres, le temple de la renommée du baseball. Moi, je ne suis pas surpris du tout parce que la semaine passée, j'ai vu que quand on voyait que Kirk Schilling avait de la misère à avoir, avait même pas 75%. Normalement, quand on commence, il y a des Mais ça n'en prend 75% ouais, c'est d'année. ça. Il est à l'entour de 71, là. Ouais. Je pense qu'il manquait à peu près 16 votes. Ouais, effectivement. Mais ouais. Le problème de Kurt Schilling, c'est qu'il y a des opinions. Il craint pas de les exprimer, mais des fois, il a le don de froisser beaucoup de monde. Tu sais, comme là, il s'est mis un paquet de monde à dos en disant « Bon, ben il me reste encore une année d'éligibilité. Retirez mon nom de la liste, là. Je veux plus être là. » Tu sais, c'est pas une façon d'agir, là. Mais il a toujours été comme ça. Et d'un autre côté, il joue au puriste aussi parce qu'il dit qu'il ne veut pas être associé aux gars qui ont utilisé des produits dopants. Là. Mais par contre, moi, je ne comprends pas encore la réticence, surtout des membres âgés, des journalistes qui votent pour le temps de la renommée, là, à ne pas admettre des gars comme... Clemens, puis Bonds. Ça, il n'était pas tout seul dans le bateau. Mais non, les autres, il n'était pas puis, tout seul. Puis d'ailleurs, Clemens, ça n'a jamais été prouvé qu'il avait utilisé des substances. Là. Ouais. Mais je ne sais pas qu'on lui reproche d'être associé à ce groupe-là. Puis ce sont deux gars, je sais que Bonds, puis il a fait son meilleur culpa, il en a utilisé. Mais moi, j'ai toujours dit, je ne sais pas si tu partages mon opinion, Danny, mais avant que Bonds utilise ces produits-là, oui, je te vois venir, puis il frappait des balles à 410 pieds. Puis après les avoir utilisés, il frappait à 420. Quelle différence y a-t-il? Ben, c'est ça. C'est quand on te donne au-dessus de 150, 200 buts sur balle dans une saison complète et que tu réussis à frapper 20, 25, 30 circuits, on va te dire une chose, là. T'as pas beaucoup de bonnes balles sur lesquelles t'es lancé pour frapper à longue balle. Oui. Et Roger Clemens avait 3 Cy Young avant. Oui. Avant ce qu'on dit, parce qu'on dit que c'est en 1998 là, que ça a commencé, là, les produits dopants. Là, c'est là qu'on la voit. Là. Ben, il y avait 3 Cy Young avant ça. Ben oui. T'sais, écoute, il avait fait ses preuves avant. Et ouais. Aussi, comme je répète, il n'y a personne qui a prouvé qu'il en avait utilisé. Ouais. Dans le cas de Bonds aussi, c'est vraiment dommage parce qu'il y a sa place là. Dans le cas de Bonds aussi, c'est sa personnalité qui est pas intéressante. Ouais, mais Steve Carlton, par le pauvre journaliste, Eddie Murray. Il a été élu pareil, là. Eddie Murray. Ouais, Eddie Murray était bougon aussi, là, mais dans le cas de Barry Bonds, tu sais, il fallait toujours que tu le flattes dans le bon sens du poil. Si tu voulais avoir une entrevue, sans ça, ils ne te parlent pas. Mais là, eux autres, ils ont 61% les deux. Ils n'ont pas monté beaucoup, donc c'est leur dernière année l'an prochain. Je pense ouais, que ça va passer serré l'an prochain. Moi, je trouve ça aussi. Dommage. Ouais. Ils vont peut-être se retrouver devant le comité des vétérans. Là. Ouais. Mais c'est, je trouve ça plate un peu. Manny Ramirez également. 27%, oui. Ce n'est un autre ça, qui pourrait rentrer à Cooperstown aussi. Puis l'an prochain, ben, tu as David Ortiz qui va rentrer, ça c'est quasiment officiel dès le premier coup. Ben oui, mais c'en est un autre qui a été reconnu coupable d'avoir utilisé certains produits défendus. Là. Ouais. Mais il ne faut pas oublier une chose aussi, Danny. Ouais. C'est que lorsque ça a commencé avec McGuire et Sosa, là, le baseball majeur encourageait cette pratique. Parce que les assistances depuis la fin du conflit avaient baissé beaucoup. Alors, à ce moment-là, la course au coup de circuit là, pour battre le record de Maris, c'est ça qui a ramené les gens dans le stade. Et puis le baseball majeur était conscient de ce qui se passait, puis il l'encourageait. Alors, pourquoi faire porter le fardeau de la preuve aux joueurs alors que l'industrie était d'accord? Ouais. Jacques, gros merci, on s'en parle dans une couple de semaines. OK, salut Jacques.